Bonjour à vous, cher Emmanuel, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Reprenons sans plus attendre notre lecture du Capital de Marx. Texte de 1867, fruit de plus de 15 ans de travail, et je ne parle que du livre premier, puisque le texte est resté inachevé. Après la fabrique de la plus-value lundi, la dialectique hegelienne mardi, et le fétichisme de la marchandise hier, aujourd'hui, la journée de travail, puisque c'est le titre d'un chapitre du premier livre du Capital, dont voici sans plus attendre un extrait. Le capitaliste a acheté la force de travail à sa valeur journalière. C'est donc à lui qu'appartient sa valeur d'usage pendant la durée d'une journée de travail. Il a donc acquis le droit de faire travailler pour lui un travailleur pendant une journée. Mais qu'est-ce qu'une journée de travail? C'est moins en tout cas qu'une journée de vie naturelle. De combien? Le capitaliste a sa propre opinion sur cet ultima thule, cette limite où doit s'arrêter la journée de travail. En tant que capitaliste, il n'est que capital personnifié. Son âme est l'âme du capital. Or, le capital a une unique pulsion vitale. Se valoriser, créer de la survaleur, pomper avec sa partie constante les moyens de production, la plus grande masse possible de surtravail. Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Bonjour Jean Quétier. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. La journée de travail, c'est parfois une nuit de travail. Hein. C'est ce que chante Harry Belafonte dans ce mento jamaïcain qui décrit des dockers chargeant de nuit des bananes sur un bateau. Oui, tout à fait. C'est souvent une nuit de travail également. Mais surtout, je crois que pour Marx, la journée de travail, c'est quelque chose qui se compose de deux parties, en tout cas dans le mode de production capitaliste. C'est d'une part ce qu'on appelle le travail nécessaire. Hein, le travail nécessaire, c'est la partie de la journée de travail qui sert à reproduire la valeur de la force de travail et donc, on a une autre partie hein, de la journée de travail, on va voir, hein, qui est le sur-travail, hein, la partie de la journée de travail qui n'est pas payée en réalité par le capitaliste. Vous êtes doctorant en philosophie à l'Université de Strasbourg, co-auteur avec Florian Guilly de « Découvrir Marx, 12 textes pour commencer ou recommencer à lire Marx », publié aux éditions sociales. Vous avez traduit plusieurs ouvrages de Marx dans la grande édition Marx Engels. Et c'est vous qui aviez proposé au cours de cette émission, de commenter ce texte sur la journée de travail. Y a-t-il un lien avec la loi sur le travail qui vient d'être votée? Oui, je crois qu'il y a un lien parce que il me semble que l'intérêt de ce chapitre sur la journée de travail, c'est qu'il montre que la question du temps de travail, notamment, est un enjeu de la lutte des classes. Et ça, c'est extrêmement clair dès le début du chapitre. Puisque dans le chapitre 8, donc, il chapitre y a 8, section 3 section du premier 3, livre. Tout à fait, du premier livre, hein, consacré à la journée de travail, il y a la mise en évidence d'une antinomie, hein, de deux droits antagonistes, finalement. Celui du capitaliste qui dit « j'ai acheté ta force de travail à toi, salarié, pour l'utiliser » un maximum, hein, pour en faire l'usage qui me sera le plus profitable. Et d'un autre côté, le salarié, lui, déclare eh bien, qu'il a le droit à une journée de travail normale. C'est-à-dire qu'il n'a pas vendu sa force de travail pour que le capitaliste en abuse. Et comme le dit Marx, entre deux droits égaux, c'est la force ou c'est la violence qui tranche. Et donc, on voit bien que la question de l'affrontement de classe, elle est posée dès le début dans ce chapitre, et que c'est finalement toujours cette question-là qui est posée dans une période comme la nôtre, où la question de l'augmentation du temps de travail est de nouveau posée par les ordonnances Macron. Il faut entendre l'expression « journée de travail », et c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec l'évocation des nuits de travail qui, malheureusement, existent, et ça pour le coup encore aujourd'hui, puisque le terme de « journée », il faut l'entendre au sens le plus quotidien du terme. L'homme vit selon une succession de jours et de nuits. Le travail devrait se réduire à une journée de travail, c'est-à-dire en laissant de côté, en lui laissant suffisamment de temps et d'heures à sa disposition pour satisfaire ses besoins vitaux, pour pouvoir repuiser, reconstituer sa force de travail qu'il va pouvoir ensuite dépenser. Et c'est parce que le rythme, il y a vraiment un rythme au sens biologique du terme, de la journée de travail n'est pas respecté, que tous les problèmes commencent, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que Marx dit que la journée de travail est une réalité indéterminée. C'est-à-dire que quand un capitaliste achète la force de travail d'un salarié pour une journée, il n'y a pas d'emblée donné la durée de cette journée. Hein, elle a, nous dit-il, une limite physique maximale. Cette limite physique maximale, c'est 24 heures amputées du minimum vital, en quelque sorte, pour que le salarié puisse retourner travailler le lendemain. Et il y a, pour le capitaliste, une limite minimale, c'est le temps de travail nécessaire, hein, puisque j'évoquais cette distinction entre temps de travail nécessaire et surtravail. La partie que Marx appelle temps de travail nécessaire, c'est simplement celle qui sert à reproduire la valeur de la force de travail. Par reproduire la valeur de la force de travail, Marx entend la chose suivante, c'est produire le nombre de marchandises équivalent au prix de l'achat de la force de travail par le capitaliste. Or, le capitaliste n'a pas d'intérêt à simplement reproduire une quantité équivalente de marchandises par rapport à la valeur de la force de travail. Sinon, il ne ferait aucune survaleur, aucun profit à terme. Ce dont le capitaliste a besoin, c'est d'allonger en quelque sorte la journée de travail au-delà de ce temps de travail nécessaire. Hein, c'est ce que Marx appelle la production de la survaleur absolue, hein, qui donne son nom à la section 3 du livre 1 du Capital. Et cette production de la survaleur absolue par allongement de la journée de travail, eh bien, c'est en quelque sorte ce qui va montrer cette indétermination de la journée de travail dont je parlais. Hein. C'est précisément parce qu'on a une journée de travail qui va varier au-delà du temps de travail nécessaire, hein, qui va comporter une partie de surtravail, c'est-à-dire de travail non payé par le capitaliste, eh bien, que le capitaliste va pouvoir extraire de la survaleur et donc, à terme, faire du profit. En clair, c'est parce que la journée de travail n'est pas suffisamment et juridiquement limitée que le capitaliste peut s'enrichir, on peut le dire comme ça. Le texte qui a ouvert l'émission est très fort. Au-delà de l'image du travail comme un vampire qui vient sucer le sang jusqu'à la moelle de des employés, il y a l'idée, alors là, très simple et en même temps très forte, que le travail lui-même est devenu une marchandise. Vous avez dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, le capitaliste achète la force de travail. C'est-à-dire que là, la marchandise n'est pas simplement l'objet que l'on consomme, mais la force de travail de l'individu lui-même. Alors voilà, plus précisément, c'est effectivement la force de travail qui est une marchandise. Hein, puisque ce qu'il faut dire d'emblée peut-être, c'est que Marx distingue la valeur de la force de travail de ce qu'on appelle ordinairement le salaire. Hein, le salaire, c'est la forme phénoménale, la forme d'apparition de la valeur de la force de travail, mais telle qu'elle nous apparaît quotidiennement, pas telle qu'elle est étudiée par l'économie politique. Hein. Précisément, pour Marx, la forme salaire, qui sera étudiée dans la section 6 du livre 1 du Capital, c'est celle qui laisse entendre aux salariés que ce qui lui est payé, c'est le travail qu'il effectue réellement. Or, nous dit Marx, ce n'est qu'une apparence, et c'est une apparence nécessaire pour le capitaliste, parce que c'est une apparence qui va permettre de dissimuler le fait que, en réalité, une partie du travail effectué par le salarié n'est pas payée. Et c'est ça qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, il faut que la force de travail, donc le salarié lui-même, devienne une marchandise pour que le mode de production capitaliste soit possible. Hein, c'est-à-dire que ce qui va être payé dans la valeur de la force de travail, hein, dans le cadre du travail nécessaire, c'est en réalité une quantité de marchandises nécessaire à la reproduction de la force de travail, hein, puisque ce qui définit pour Marx la valeur d'une marchandise, et c'est le cas de la force de travail comme de toutes les autres marchandises, c'est la quantité de biens nécessaires à la reproduction de cette marchandise. En clair, prenons un exemple concret. Sur une fiche de paie qu'on reçoit à la fin du mois, il y a le nombre d'heures travaillées et le montant auquel s'élève le salaire qui nous est versé. Ça paraît absolument, disons, justifié. Nous sommes payés tant d'euros par heure, nous avons travaillé tant d'heures, donc voici combien nous touchons à la fin du mois. Ce qui manque dans une fiche de paie, c'est tout le temps qu'il nous faut pour arriver à fournir ce temps de travail, le temps de transport, le temps de faire les courses, le temps de se nourrir, le temps de vivre pour pouvoir fournir cette force de travail. Alors oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce que nous dit Marx, c'est qu'en fait, la fiche de paie telle que vous l'avez présentée, elle a un caractère illusoire. Hein. Marx dit que c'est une expression imaginaire. Hein, dans le chapitre 17, section 6, il dit que c'est une expression imaginaire et en même temps nécessaire pour que se maintienne le mode de production capitaliste. C'est-à-dire que pour que, d'un point de vue idéologique, la réalité de la production capitaliste puisse se maintenir sans susciter trop de réprobation. Puisque, en réalité, effectivement, sur la fiche de paye, ce que vous avez, c'est le nombre d'heures effectuées payées. Or, nous dit Marx, ça, c'est une apparence. La réalité de ce qui est payé, ça n'est pas le travail effectué. C'est la valeur de la force de travail. C'est-à-dire que ce qu'on vous paye, c'est ce qui est nécessaire pour que vous puissiez retourner travailler le lendemain. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, concrètement. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour pouvoir retourner travailler le lendemain, d'un certain nombre de marchandises pour vous nourrir. Oui, c'est ça. Donc, de faire les courses, de se nourrir. De vous loger, etc., etc. Et donc, cette réalité, Marx le dit, hein, elle est toujours déterminée socialement. C'est-à-dire que d'une époque à l'autre, la quantité de marchandises nécessaires à la reproduction de la force de travail va varier, hein, en fonction des standards sociaux, etc. Or, précisément, par rapport à la fiche de paye, disons telle qu'elle existe aujourd'hui, si on essaye d'examiner la journée de travail telle que Marx l'analyse à un niveau d'abstraction qui est en fait en deçà, hein, qui se situe en deçà de la forme salaire, eh bien il faudrait plutôt diviser la journée de travail en deux parties. D'une part, le travail nécessaire, c'est-à-dire le travail qui a permis de produire une valeur ou une quantité de marchandises correspondant à une valeur donnée qui est celle qui permet aux salariés ensuite de retourner travailler le lendemain. Hein, donc, ce qu'on évoquait, hein, la nourriture, le logement, le sommeil, etc. Et d'un autre côté, la partie qui s'appelle pour Marx le surtravail, c'est-à-dire la partie pour laquelle le salarié a travaillé en réalité gratuitement pour le capitaliste et qui ne lui est pas payé. Et c'est extrêmement difficile de quantifier tout cela. Alors, c'est extrêmement difficile de quantifier tout cela pour une raison simple, effectivement, c'est que, comme je le disais, hein, la valeur de la force de travail, c'est quelque chose qui va varier d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre. D'un individu à l'autre. D'un individu à l'autre, mais bon, il y a une moyenne sociale hein, quand même qui se met en place et qui fait que dans tel pays, à telle époque, grosso modo, la valeur de la force de travail va permettre, on va trouver une certaine moyenne. En réalité, effectivement, ce qui va déterminer cela, c'est le prix en fait que le capitaliste va à terme payer pour obtenir les services du salarié pendant un temps T. Hein. Et ce qui est particulier à la marchandise force de travail, c'est qu'elle a la capacité de produire une valeur qui est supérieure à sa propre valeur. Ce qui n'est pas le cas des autres marchandises. Et c'est ce qui fait la spécificité de cette marchandise et qui fait que c'est le travail, finalement, qui est la poule aux œufs d'or pour le capitaliste, puisqu'elle permet de passer, hein, je crois que c'est Isabelle Garraud qui le disait lundi dans votre émission, micro, hein, ouais. De A à A', hein, c'est-à-dire d'une somme d'argent déterminée à une somme d'argent plus grande par l'intermédiaire d'un processus de production. Ce que Marx montre bien, c'est la... plus que la fiction, même que l'illusion, on en parlait hier avec Florian Nicodème sur le fétichisme de la marchandise, mais allons jusqu'à reprendre les thèmes de Marx, qui parle même d'escroquerie, qui est devenu le salariat. Si on prend encore un cas particulier, cette fois plus la fiche de paye, mais le contrat de travail. Le contrat de travail a une valeur juridique, inquestionnée, qui postule l'égalité entre le vendeur d'un côté et l'acheteur de l'autre. Puisque deux parties indépendantes signent librement un contrat, il est ensuite normal que celui qui vend sa force de travail, eh bien, obéisse à celui qui lui a acheté. Or, nous dit Marx, c'est une escroquerie. Le contrat de travail, sous couvert d'égalité, cautionne juridiquement la plus grande illégalité, illégitimité qui soit. Il parle même de scandale. Oui, alors, en réalité, le terme d'escroquerie est assez ambigu parce que on pourrait même aller plus loin que ce que vous dites et dire non, il n'y a pas d'escroquerie. Le capitaliste n'escroque pas le salarié. Ah oui, c'est très clair qu'en fait, il le roule finalement, officiellement. Finalement, il se revendique d'un droit qui n'est pas le même que celui du salarié, puisque lui revendique le fait d'avoir acheté la force de travail. Hein, et Marx qualifie même le salarié qui vend sa force de travail de travailleur libre, hein, c'est une expression de Marx, hein, il dit il est libre de vendre sa force de travail. Seulement, évidemment, il y a une dimension, comment dire, en partie illusoire de cette liberté de l'échange et de la vente de la force de travail. Et d'ailleurs, dans la dernière section du chapitre 8, hein, dans la section 7, Marx dira que le salarié a en quelque sorte besoin de se protéger de lui-même, hein, il a besoin de se protéger de la vente de sa propre force de travail. Et pour cela, il a besoin de la loi. Il a besoin de la loi qui va venir limiter la journée de travail. Par exemple, l'interdiction de faire des heures supplémentaires. Par exemple, l'interdiction de faire des heures supplémentaires. Ou alors, un des cas qui est vraiment central et que Marx évoquera toute sa vie, hein, c'est le Bill des 10 heures, hein, la loi qui, en Angleterre, va limiter la journée de travail à 10 heures. Alors, ça semble beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais il faut voir que c'était un grand progrès à l'époque, hein, en 1847. Tout au long de sa vie, hein, par exemple, en 1864, lorsque Marx participera à la fondation de l'Association internationale des travailleurs, il évoquera, hein, la conquête de la limitation de la journée de travail à 10 heures comme une victoire de principe de la classe ouvrière, parce que, précisément, elle aura réussi à limiter la capacité du salarié à se vendre lui-même, en quelque sorte, à n'importe quel prix au capitaliste, puisque le salarié, à lui tout seul, en quelque sorte, ne peut jamais rivaliser face à la classe capitaliste. Ce qui crée des rapports de force absolument morbides et même complètement destructeurs. En voici un exemple de ces rapports de force et de leurs effets souvent délétères. D'abord tiré de la fiction, et puis ensuite de la réalité. D'abord, comment tuer son boss, et puis ensuite, la machinisation du travail, le documentaire de Cash Investigation sur la chaîne de commerce Lidl. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai finalement choisi qui je voulais pour être notre nouveau vice-président senior des ventes. Il se trouve ici avec nous. C'est moi. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai décidé de prendre la responsabilité du poste de vice-président et de l'inclure dans mes fonctions. Le meeting est terminé. Monsieur Harkin, est-ce que je peux vous parler une seconde ? Oui, à quel sujet ? Ça fait des mois que vous me dites que j'ai des chances d'avoir cette promotion. Et regardez tout le travail que vous avez fait. Vous savez que le mois dernier, vous m'avez fait travailler si tard que j'ai pas pu dire au revoir à ma gam-gam. Je m'excuse, quoi ? Ma grand-mère, je vous ai dit que je devais la voir, qu'elle était très malade, vous avez dit qu'en quittant plus tôt, je serais viré. Elle est décédée avant que j'arrive à l'hôpital. Je m'excuse. D'accord. J'ignorais que vous appeliez votre grand-mère Cam. Cam. Je m'excuse. Je suis désolé que vous n'ayez pas pu dire bye-bye à Gam-Gam. Mais je dois vous dire de rester ce soir parce que vous êtes un membre inestimable de nos opérations et j'ai besoin que vous gardiez ce poste encore longtemps. Ça fait 8 ans que je travaille ici, d'accord ? Alors pourquoi je resterai après avoir été traité ainsi ? Eh bien parce que je me suis assuré que personne dans l'industrie ne voudrait vous engager. Foutaise ! Non, je ne crois pas. Après tout, ils vont me demander une lettre de recommandation, pas vrai ? Alors, je n'ai pas peur d'écrire que vous êtes quelqu'un d'insubordonné, indigne et alcoolique. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est faux ! Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous ai acheté. Vous êtes mon petit chien-chien, alors ne croyez pas avoir ici toute liberté parce que vous ne l'avez pas. Je peux vous écraser quand je le veux. Je voulais maintenant vous faire écouter un enregistrement. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. C'est un directeur régional de Lidl qui parle à l'un de ses responsables de magasin. Je vous laisse écouter. Si je viens, le magasin il est mal tenu. Je te promets, je te promets, je te promets que toi et moi, toutes les semaines, on se verra. Okay. Toutes les semaines. Bon, les et ça va être à feu et à sang. Et le magasin, ça va être à feu et à sang. Y a pas de trois soucis. Mois, ça va être à feu et à sang. Je vais te convoquer à longueur de semaine. Oui, y a pas de souci. Tu vas perdre une à deux semaines de salaire par mois parce que je te mettrai six jours de mise à pied à longueur de temps. Okay. Et tu vas mourir. Okay. Et après, tu iras au prud'homme. Et les prud'hommes, ça va durer cinq ans. Les tribunaux, je connais par cœur. J'ai plus d'avocats que toi. Et tu vas mourir. Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Okay. Samedi prochain, je fais audit. C'est rouge, je te convoque. La semaine d'après, tu refais, je te recouvre. Et on va jouer à ça. Premier inventaire pourri, non respect de procédure, je te cartouche. Tu veux jouer à ça? C'est la guerre, ça. C'est la guerre. Ce que vous me montrez là, je... est un enregistrement dont... qui est sorti d'un contexte. Et oui, parfois la réalité dépasse la fiction, enfin c'est même toujours le cas, je crois, Jean Quétier. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du Capital de Karl Marx, le chapitre sur la journée de travail. En voici deux exemples. D'abord un extrait du film de Seth Gordon, Comment tuer son boss, un exemple magnifique, si j'ose dire, de chantage au travail, de manipulation absolue de la part d'un patron, qui dit clairement à son employé qu'il l'a acheté, donc il fait absolument ce qu'il veut. Et puis ensuite le documentaire donc de Cash Investigation du 27 septembre 2017, un reportage sur Lidl, où la journaliste Elise Lucet demande au vice-président en charge des relations humaines de commenter une vidéo qu'un journaliste a filmée à l'insu d'un des employés de Lidl, qui parle à quelqu'un qui lui est à son subordonné, qui lui parle très mal et qui là aussi le menace. Évidemment, le vice-président ne sait pas quoi répondre. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui est très intéressant ici, Jean Quétier, c'est que on se demande, on ne peut pas s'empêcher de se demander, même si le film laisse penser que oui, c'est le cas, si tout cela est volontaire. C'est-à-dire, en clair, quand, même quand on lit le texte du Capital de Karl Marx, on se demande, mais est-ce que les capitalistes sont vraiment ces méchants, ces méchantes personnes qui veulent détruire les autres, qui veulent à tout prix exercer leur domination sur les gens qui leur sont inférieurs? Ou bien est-ce que finalement, eux-mêmes sont victimes d'un système qui les dépasse complètement? Marx se pose la question, c'est pour ça que je vous la pose. Oui, alors effectivement, quand vous parlez de méchanceté, effectivement, ça pose tout de suite la question sur le terrain moral. Or, en réalité, ce qui intéresse Marx, même s'il il analyse, y compris à partir de figures un petit peu littéraires ou empruntées à un imaginaire comme celui des vampires, des loups-garous, il analyse la psychologie, quelque part, des capitalistes. Hein. Il analyse cette pulsion qui consiste à vouloir toujours faire du plus. Hein. Mmh. Ça, c'est clair que de ce point de vue-là, on a des éléments qui vont dans ce sens-là. Après, il est vrai que la question qui préoccupe Marx n'est pas de savoir si les capitalistes sont des êtres vicieux, méchants par nature ou qui viendraient satisfaire par l'intermédiaire de la production capitaliste une sorte de méchanceté naturelle. Dans un passage qui est assez intéressant, hein. C'est dans la préface à la première édition allemande du livre 1 du Capital de 1867, Marx dit qu'il ne peint pas les capitalistes en rose, mais que ça n'est pas pour leur attribuer précisément une immoralité quelconque, c'est simplement qu'il étudie les capitalistes comme une personnification ou comme une incarnation de rapports sociaux. Hein, il dit, au fond, les capitalistes sont en quelque sorte obligés d'agir comme cela, parce que sinon, ils sont conduits à la ruine et à périclité. Mais c'est là où la question est passionnante. Ça veut dire que les capitalistes seraient eux-mêmes victimes du capitalisme. D'une certaine manière, on peut considérer que les capitalistes sont eux-mêmes, alors victimes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas le produit de rapports de production qui les dépassent en tant qu'individus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a précisément un passage du chapitre 8 dans lequel Marx nous dit que les capitalistes agissant individuellement conduisent finalement à la ruine de la société. Hein, c'est-à-dire que si chaque capitaliste individuellement suit sa propre pulsion de faiseur de plus, en quelque sorte, hein, d'accumulation de profit, eh bien, il va épuiser en quelque sorte la santé de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble de la société, et il va tarir lui-même la source de son propre profit. Et de ce point de vue, c'est pour cela que, dans l'intérêt, en quelque sorte, de la société tout entière, capitaliste compris, si j'ose dire, il faut mettre des garde-fous, des bornes, pour empêcher précisément cette logique de tourner en roue libre, en quelque sorte. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, la classe ouvrière est porteuse d'un intérêt qui n'est pas simplement un intérêt, on va dire, corporatiste, qui serait celui des seuls salariés. Pour Marx, on voit bien qu'il y a une convergence entre l'intérêt de la classe ouvrière à limiter la journée de travail et l'intérêt de la société dans son ensemble. Sans tomber dans une réflexion morale, Marx pose la question de la responsabilité des capitalistes parce qu'il lui importe de préciser que ceux-ci sont, sinon victimes, en tout cas pris dans une forme d'aveuglement. En clair, leur but n'est pas non seulement de faire souffrir le plus possible, mais d'éteindre l'humanité. Écoutez comment il en parle, donc toujours dans ce chapitre 8 sur la journée de travail. Finalement, leur attitude serait de dire « après nous le déluge ». Le capital, qui a de si bonnes raisons de nier les souffrances de la génération des travailleurs qui l'entourent, est en fait, dans son mouvement pratique, aussi peu déterminé par la perspective d'un pourrissement futur de l'humanité et d'un dépeuplement définitivement irrésistible que par l'éventuelle chute de la Terre sur le Soleil. Dans toute escroquerie financière, chaque actionnaire sait que la tempête arrivera un jour. Mais chacun espère qu'elle tombera sur la tête de son voisin après que lui-même aura recueilli la pluie d'or et l'aura mise en sécurité. Après moi, le déluge. Telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. Le capital n'a donc aucun scrupule s'agissant de la santé et de l'espérance de vie du travailleur s'il n'y est pas contraint par la société. À toutes les plaintes concernant le délabrement physique et intellectuel, la mort prématurée, la torture de l'excès de travail, il répond « Et pourquoi ces tourments devraient-ils nous tourmenter, puisqu'ils augmentent notre plaisir, le profit ?» Mais dans l'ensemble, cela ne dépend pas non plus de la bonne ou de la mauvaise volonté de chaque capitaliste pris individuellement. La libre concurrence impose à chaque capitaliste pris individuellement les lois immanentes de la production capitaliste comme des lois qui le contraignent de l'extérieur. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Après moi, le déluge. Telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. C'est Karl Marx qui l'écrit dans Le Capital que nous lisons pour vous, chers auditeurs, cette semaine. Aujourd'hui, dernier temps de cette lecture en compagnie du philosophe Jean Quétier. Ce que dit ce texte, lu par Georges Clès, c'est que la déshumanisation, qui est l'effet nécessaire, induit par le système capitaliste chez les ouvriers, le travail que leur est demandé de faire est tellement aliénant qu'en découle une déshumanisation, eh bien elle concerne aussi les capitalistes. Alors oui, elle concerne aussi les capitalistes, néanmoins pas au même niveau, faut-il peut-être préciser, puisque on voit aussi bien dans les extraits du documentaire que vous avez passé tout à l'heure. Vous l'aviez vu ce documentaire ? Oui, j'avais vu ce documentaire et justement quand je suis venu à cette émission, je trouvais que il y avait une résonance qui était très forte avec ce documentaire que personnellement j'ai trouvé excellent. Il me semble que on voit bien aussi bien dans le documentaire que dans le Capital lui-même. Hein, je pense à une scène du chapitre 8 où Marx évoque la figure de Marie-Anne Walkley, hein, une jeune ouvrière qui, après avoir travaillé 26h30 d'affilée, est morte d'épuisement. Hein, et je crois que dans le documentaire, on a ça évidemment à une autre échelle, mais on a des salariés qui font des malaises parce que on les empêche de prendre une pause pour aller aux toilettes. Enfin, j'ai le souvenir de ce type de scène-là. Alors, on a évidemment une déshumanisation qui va pas se traduire de la même façon chez le capitaliste. Hein. La déshumanisation chez le capitaliste, elle va prendre la figure hein, qui est évoquée hein, par ce passage, C'est encore une référence littéraire de la part de Marx. Hein. Pourquoi ces tourments devraient-ils nous tourmenter puisqu'ils augmentent notre plaisir, hein. C'est une référence au divan occidental-oriental de Goethe, hein, qui est plutôt une sorte de cynisme complet qu'on va retrouver dans la personne du capitaliste. Mais effectivement, il ne faudrait pas penser que c'est avant tout un problème individuel qui pourrait être réglé au niveau individuel. Le problème ne sera pas réglé si on remplace, entre guillemets, des capitalistes vicieux par des capitalistes vertueux qui prendraient soin de leurs salariés. Marx nous dit non. La logique même du mode de production capitaliste va conduire les capitalistes à se comporter de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait au niveau même de l'organisation de la production des bouleversements qui empêchent ce type de conduite. Alors, comme j'aurais pas la naïveté de demander quelle est la solution que propose Marx, mais il esquisse quand même des possibilités à suivre. Et une question qui se pose naturellement quand on en est là, quand on a lu ce texte-là, c'est de se dire, mais si le salaire et le contrat sont des arnaques, en fait, si vraiment il y a des formes de contrats juridiquement impeccables qui en fait lèsent toujours une des parties contractantes, eh bien finalement, est-ce qu'un changement ne peut pas avoir lieu dans et par la loi, avant même d'en venir à la révolution du prolétariat dans une classe qui vient se soulever contre une autre, est-ce que nous n'avons pas un moyen d'action sur la loi elle-même qui permettrait au moins de garantir juridiquement une forme d'égalité ? Alors, ce qui est intéressant dans ce chapitre 8, c'est que la question juridique est prise en charge par Marx de manière assez approfondie. D'une part, parce que Marx, dans ce chapitre-là, évoque la question de la réduction du temps de travail par une loi d'État. Hein, il dit il est nécessaire qu'une loi d'État vienne réduire le temps de travail, limiter la journée de travail pour empêcher précisément que les capitalistes viennent en permanence chercher à augmenter le temps de travail de leurs salariés. Donc de ce point de vue-là, la loi constitue bien une réponse pour Marx, qui n'est pas une réponse unique et suffisante, mais qui constitue un enjeu absolument central de la lutte des classes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les moments de son œuvre. La loi comme moyen de réduire le temps de travail, c'est un élément essentiel de la bataille communiste pour Marx. Ça, c'est très clair. Dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre 8, on voit... lorsqu'il évoque précisément le Bill des 10 heures, hein, c'est-à-dire la loi qui, en Angleterre, réduit la journée de travail à 10 heures en 1847, eh bien, Marx constate, à partir des rapports des inspecteurs de fabrique, hein, qui pullulent dans ce chapitre et d'ailleurs un peu partout dans le Capital, ce qui d'ailleurs montre bien l'intérêt pour Marx des inspecteurs de fabrique, des inspecteurs du travail qui viennent constater un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Marx note que, en fait, la loi est souvent contournée en réalité, et que la loi par elle-même n'a pas de force intrinsèque, hein, et qu'il ne suffit pas, en quelque sorte, de s'en remettre à la loi pour régler complètement ce problème-là. Et il analyse, par exemple, prend un exemple, je crois, où dans la loi anglaise, les capitalistes sont tenus d'accorder une pause pour manger, ils sont tenus de permettre aux salariés de manger le midi. En fait, il s'aperçoit que, à partir des rapports de fabrique, certains capitalistes considèrent que le repas de midi peut très bien être pris avant 9h du matin, parce que ça n'est pas précisé suffisamment dans la loi, et que donc on trouve toujours un moyen de contourner, et donc de faire qu'à midi, il n'y a pas de pause en réalité. Et donc là, on voit bien qu'il y a intrinsèque de la loi, et qu'il faut aller toujours plus loin et s'intéresser à son application. Oui, mais derrière la question de la loi et du rôle que peut jouer la loi pour changer la situation, se pose la question de l'État, en réalité. Dans toujours ce chapitre 8, Marx écrit « Pour se protéger du serpent de leur tourment, les travailleurs doivent se rassembler en une seule troupe et conquérir en tant que classe une loi d'État, un obstacle social plus fort que tout qui les empêche de se vendre eux-mêmes au capital en négociant un libre contrat et de se promettre, eux et leur espèce, à la mort et à l'esclavage. » Il invoque ici une loi d'État qu'il s'agirait de convoquer. Est-ce que ça veut dire que pour Marx, l'État a un rôle à jouer dans la révolution qu'il appelle de ses vœux, qu'il constate ou qu'il prédit, en tout cas. Parce que alors, si c'est le cas, alors du coup, il y a deux options très différentes. Soit la dictature du prolétariat, la révolution engrangée par le prolétariat conduit une forme d'anarchie, où il n'y a pas d'État, soit au contraire, il y a une complicité entre l'État et les ouvriers, aux dépens des bourgeois, des aristocrates et des capitalistes. Alors c'est une question extrêmement compliquée, hein, qui est, je pense, assez difficile à laquelle il est assez difficile de répondre en d'une manière très simple, parce qu'elle a fait l'objet de débats à peu près interminables dans le marxisme au XXe siècle. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que bon, il y a différents textes, hein, sur cette question-là. Il y a la critique du programme de Gotha dans lequel on a souvent identifié deux phases, hein, une première phase. Où l'État jouerait encore un rôle de réorganisation, hein, qui correspondrait à peu près à ce que Marx appelle dictature du prolétariat, mais il faudrait évidemment mettre beaucoup de guillemets à ce terme de dictature du prolétariat, hein, que vous avez évoqué, parce que le terme même de dictature n'a pas du tout au XIXe siècle le sens qu'il aura au XXe siècle, hein. Il a plutôt le sens antique d'une gestion transitoire et autoritaire, mais qui ne correspond pas du tout au totalitarisme tel que l'on le connaîtra au XXe siècle. En revanche, il y a une deuxième phase ensuite, hein, qui n'est pas effectivement une phase où l'État continuera à exister, d'après Marx, hein, puisque alors il y a différentes formules, hein, l'État s'éteint ou disparaît, enfin il y a cette idée de dépérissement de l'État, hein, qui est présente dans un certain nombre de textes de Marx. Et d'ailleurs, lui-même est relativement hésitant sur cette question-là, hein, quand on prend un texte comme « La guerre civile en France » où il analyse la Commune de Paris, on voit qu'il dit eh bien, que la classe ouvrière ne pourra pas se contenter de prendre l'appareil d'État et de le mettre à son service sans le transformer et le bouleverser, hein. Donc on a effectivement un rôle de l'État, mais qui va de toute façon évoluer, même dans les premières étapes. Mais c'est très compliqué si la réponse à cette question était aussi ambiguë et difficile, parce que pour le coup, le marxisme est encore vivant aujourd'hui. En tout cas, le parti communiste se revendique en partie de Marx. Si le rôle de l'État n'est pas clair, ça change complètement la donne. On parle aujourd'hui beaucoup de coup d'État social, par exemple. Est-ce que l'expression même a un sens? Il faut pouvoir être en mesure de répondre à ces questions-là. Oui, alors je crois que l'expression de coup d'État social, elle désigne plutôt de la part du gouvernement, ce qui. Oui, mais ça implique une certaine idée de l'État qu'on voudrait préserver et que l'État lui-même corrompt. Alors, disons que c'est ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment au moment où Marx écrit, l'État, notamment tel qu'on le connaît en France, tel qu'on a pu le connaître en France au XXe siècle, n'est pas traversé par une législation sociale de même nature que ce que l'on a pu connaître au XXe siècle. Hein, au XIXe siècle, la législation sociale est extrêmement rudimentaire dans les pays que Marx analyse, que ce soit l'Angleterre ou la France ou encore l'Allemagne. Donc c'est évidemment extrêmement difficile de déterminer a priori ce que Marx en aurait pensé aujourd'hui. Et puis vous avez à l'intérieur même du marxisme, hein, des théoriciens qui ont considéré que l'État était un objet même de la lutte des classes, un enjeu, hein, que cette transformation-là de l'État, hein, je pense à quelqu'un comme Nikos Poulantzas, par exemple, hein, dans son ouvrage « L'État, le pouvoir, le socialisme », c'est l'État lui-même qui devient le champ de bataille, en quelque sorte, de la lutte des classes, hein. Donc on a la possibilité de voir un État non pas complètement figé, sans nuance, hein, qui serait uniquement instrument de domination du capital ou qui pourrait être utilisé comme un instrument tel quel par la classe ouvrière, mais plutôt un terrain qui peut être transformé, façonné, reconfiguré en quelque sorte. Marx écrit « La création d'une journée de travail normale est le résultat d'une guerre civile longue, opiniâtre et plus ou moins dissimulée entre la classe capitaliste et la classe ouvrière ». Quelle est sa position par rapport, puisque c'est quand même le sujet de cette émission, la journée de travail, par rapport à ce qu'il doit rester du travail dans une société communiste, qu'il appelle le CV. Comment est-ce que les gens continuent à travailler? Comment le travail s'organise-t-il? Ou est-ce que l'idée est justement de faire en sorte que le travail, au sens le plus négatif du terme, n'existe plus, et de mettre en place un mode de société, des rapports sociaux, qui ne soient pas forcément des rapports de production et dans lequel chacun puisse librement choisir son activité? Non, je crois pas que Marx soit favorable à une disparition du travail ou à une abolition du travail, comme on a pu le prétendre parfois. Il y a un texte, à mon avis, qui est assez intéressant, hein, qui est un texte de 1875 dans lequel Marx dit que la société ne trouvera son équilibre qu'à partir du moment où elle tournera autour du soleil qu'est le travail. Hein. Donc au contraire, c'est le communisme, c'est plutôt une société dans laquelle le travail aura une place tout à fait centrale. Mais je crois qu'il y a deux choses à voir de ce point de vue-là. C'est qu'il y a la bataille pour la réduction du temps de travail, qui est une bataille centrale, mais il y a aussi une bataille pour la réorganisation du travail lui-même. Hein. Et donc dans un texte qui est assez programmatique, hein, qui est l'adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs de 1864, Marx évoque comme deux grandes victoires de la classe ouvrière au XIXe siècle, non seulement le bill des 10 heures, hein, la réduction de la journée de travail à 10 heures, mais aussi l'essor du mouvement coopératif, hein, les coopératives qui montrent que les travailleurs peuvent organiser eux-mêmes la production sans l'intermédiaire des capitalistes, hein, qui montre qu'on peut tout à fait penser un travail qui soit libéré du rapport de subordination qu'est celui imposé par le capital, eh bien, c'est en quelque sorte un déjà là révolutionnaire, hein, qui permet de penser une autre organisation de la société qui a pour nom communisme. Et que Marx écrit ainsi, il dit dans la société communiste, chacun n'aurait pas une sphère d'activité exclusive, mais pourrait se perfectionner dans la branche qui lui plaît. La société réglementerait la production générale, ce qui créait pour moi la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Et ça, c'est important pour Marx de montrer que l'activité de travail ne transforme pas forcément ce que je suis. Je peux pêcher sans devenir pêcheur, chasser sans devenir chasseur, etc. Mais le portrait qu'il dresse là est assez surprenant. C'est comme un portrait d'une société de dilettantes où j'irais selon mon bon plaisir faire une activité puis une autre. Quelle place pour le travail choisi, valorisant, que Marx connaît très bien puisqu'il en déplore la perte dans le mode de production capitaliste, pour un travail, disons, de celui qui veut écrire toute sa vie comme c'est son cas, celui qui veut créer toute sa vie. On a l'impression que le travail devient secondaire, y compris dans sa dimension positive. Alors oui, alors effectivement, c'est le passage célèbre de l'idéologie allemande là que vous venez de citer. Il porte en germe une critique qui est surtout adressée à la division du travail, hein, avec l'idée qu'il y aurait des rôles sociaux un peu figés qu'il s'agirait de dépasser dans le cadre d'une société communiste. Alors c'est un peu ambigu parce qu'effectivement ce texte-là a une dimension un petit peu d'images, hein, aussi frappantes. C'est pas une manière de régler le problème de la planification de la production. Hein. C'est une manière de donner plutôt à voir ce que serait un travail émancipé et émancipateur. Néanmoins, il faut bien voir que pour Marx, il le dit, hein, à d'autres occasions, hein, la satisfaction des besoins sociaux devra être régulée par une organisation de la production qui ne sera pas comme elle l'est dans le capitalisme, laissée à l'anarchie du marché, mais qui sera structurée de manière qu'on pourrait appeler une planification démocratique en quelque sorte. Hein. Alors ça ne pourra pas se réduire à cette figure qui est un petit peu rapide, qui est présentée dans l'idéologie allemande, je pense. Qui a été écrit avant le Capital, qui a été écrit en 1845, qui n'a pas été publié par Marx lui-même, hein, qui a donc le statut un petit peu de note jetée sur le papier, hein, donc qui doit être pris aussi avec des pincettes, hein, c'est pas un manuel. Il n'est pas non plus en pleine rêverie personnelle. Effectivement, on peut tout à fait considérer que à partir de là. s'amorce peut-être l'idée, en tout cas, que la division du travail elle-même devra être, comment dire, dépassée au sens où, elle, où la question du travail intellectuel, notamment, et du travail manuel ne pourra pas rester aussi coupée qu'elle l'est aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a derrière cette question de la division du travail, c'est aussi la répartition des rôles sociaux en fonction d'une structuration de la société en classe. Et c'est peut-être là, à mon avis, qu'il faut chercher à progresser. Mon cœur chéri, je t'écris à nouveau car je suis seule. Et cela me gêne toujours de te parler en pensée sans que tu n'en saches rien, ni ne m'entende, ni même ne puisse me répondre. Ton portrait, aussi mauvais soit-il, m'est du plus grand secours. Et je comprends maintenant pourquoi même les vierges noires, les portraits les plus réprouvés de la Mère de Dieu, ont pu trouver de fougueux adorateurs, voire plus d'adorateurs que les bons portraits. Tu es là, devant moi, incarnée. Et je te porte dans mes bras, et je te couvre de baisers, de la tête aux pieds, et je tombe à genoux devant toi, et je soupire « Madame, je vous aime ». Et je vous aime en réalité, plus que le mort de Venise n'a jamais aimé. Dès que tu t'éloignes, mon amour pour toi apparaît tel qu'il est. C'est un géant qui concentre en lui-même toute l'énergie de mon esprit et toute l'ardeur de mon cœur. Je redeviens homme, parce que je vis une grande passion. Et l'éparpillement où nous entraînent l'étude et la culture moderne, ainsi que le scepticisme qui fatalement nous amène à dénigrer toutes nos impressions subjectives et objectives, ne servent qu'à faire de nous des créatures insignifiantes, chétives, géniardes et timorées. En revanche, l'amour, non pas pour l'homme de Feuerbach, non pas pour le métabolisme de Mollet-Scott, non pas pour le prolétariat, mais l'amour envers la bien-aimée, et spécialement envers toi, permet à l'homme de redevenir homme. Tu vas sourire, ma chérie, et te demander comment d'un coup j'en viens à développer toute cette belle rhétorique. Mais si je pouvais serrer contre mon cœur ton tendre cœur pur, je me tairais et ne dirais plus un mot. Ne pouvant utiliser mes lèvres pour t'embrasser, je le fais avec ma langue et mes paroles. Ton Karl. Jean Quétier, c'est aussi Karl Marx qui est l'auteur de ces lignes, celui qui d'abord diagnostique la déshumanisation de l'homme dans le mode de société capitaliste, qui cherche à rendre l'humanité aux êtres humains qui sont vampirisés par le travail, et qui, dans cette lettre qu'il écrit à sa femme, Jenny Marx, eh bien, fait l'aveu de l'apport, pour le coup réel, en termes même quantitatifs, hein, de l'amour qu'il ressent pour elle. Il dit « c'est dans mon amour pour toi que je redeviens homme, et seul cela va me faire sentir homme ». Oui, tout à fait. Alors, je crois que c'est une belle manière de compléter un petit peu ce qui est dit par Marx dans Le Capital. Hein. C'est une autre façon d'aborder la question de la déshumanisation et de la réhumanisation possible, hein, parce que il y a évidemment ce qui se joue sur le terrain de l'économie, mais il y a aussi ce qui se joue sur le terrain du développement de l'humanité dans toutes les sphères, hein, de ses potentialités. Et je crois que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que Marx n'est pas un théoricien froid, en quelque sorte, hein, mais il réintroduit une dimension affective qui est extrêmement importante. Hein, et je pense au film de Raoul Peck, le jeune Karl Marx, qui est en ce moment au cinéma, et on voit que le couple Marx-Jenny, hein, joue un rôle extrêmement important, et que cette relation-là, elle va être tout à fait centrale dans le développement personnel de Marx, et la figure de Jenny dans ce film, je trouve, est quelque part extrêmement importante. Et ça veut dire aussi que Marx, qui reproche à ses contemporains et à ses prédécesseurs, et Feuerbach en chef de file, hein, de sombrer dans une abstraction trop grande, que l'incarnation qu'il appelle de ses vœux n'a pas seulement une dimension économique, ça c'est quand même très important de le mentionner, c'est aussi une incarnation physique, voire physiologique, en tout cas sentimentale, et qui passe par l'évocation de l'amour. C'est quand même assez surprenant, parce que là, l'amour n'est pas complètement coupé de toute forme de politique, et ça Marx en est bien conscient. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai que Feuerbach était quelqu'un qui avait mis en avant cette question de l'amour, hein, déjà, qui avait été repris notamment par un certain nombre de courants socialistes, hein, notamment ce qu'on appelait le socialisme vrai, qui avait proposé une sorte de religion de l'amour, en quelque sorte, qui viendrait constituer une alternative au capitalisme. Alors Marx n'est pas sur ces positions-là, mais néanmoins, on voit qu'il accorde à l'amour un rôle tout à fait central, et qu'il considère que s'il n'a pas un rôle forcément de restructuration de la société, comme pouvaient le penser ces théoriciens-là, il joue un rôle dans le développement individuel, hein, puisque la question du développement individuel, elle est très présente chez Marx, hein, puisque c'est l'idée, hein, même contenue dans le manifeste du Parti communiste, hein, que le libre développement de chacun, et le libre développement de chacun, ça inclut l'amour, et la condition du libre développement de tous. Merci beaucoup, Jean Quétier, d'être venu nous parler de Karl Marx aujourd'hui. We are sick and tired of being promised this and that. We work all day, we sweat and we slave to keep the wealthy fat. They fill our heads with promises and bamboozle us with facts. Then they corruption are ruining the land. Crooked politicians betray the working man. Pocketing the profits and treating us like sheep. We're tired of hearing promises we know they'll never keep. Money and corruption ruining the land. Crooked politicians betray the working man. Pocketing the profits and treating us like sheep. We're tired of hearing promises we know they'll never keep. Promises. Still we are ignored. We're tired of being herded like a mindless flock of sheep. And we're tired of hearing promises that we know they'll never keep. Money and corruption ruining the land. Crooked politicians betray the working man. Pocketing the profits and treating us like sheep. We're tired of hearing promises we know they'll never be. We've got to stand together, every woman, every man, 'cause money and corruption are ruining the land. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Quelle actualité en lien avec la philo a retenu votre attention aujourd'hui ? Eh bien, la semaine dernière est sorti aux éditions Verdier un excellent ouvrage de Paul Audy sur ce moment crucial de l'adolescence intitulé « Au sortir de l'enfance ». Âge par excellence de la crise, là où a lieu ce passage de l'enfant à l'adulte, la métamorphose du corps et de l'esprit, ce livre est l'occasion de se pencher sur le rapport que la philosophie entretient avec la jeunesse. Alors voilà, comment les philosophes peuvent-ils s'adresser à ces créatures en devenir ? J'ai, depuis peu, pourquoi, je n'en sais rien, perdu toute ma gaieté. abandonné mes habituels exercices. Et de fait, mon humeur est si désolée que cet admirable édifice, la terre, me semble un promontoire stérile. Et ce dais l'air, si merveilleux, n'est-ce pas, cette voûte superbe du firmament, ce toit auguste décoré de flammes d'or, tout cela n'est plus pour moi qu'un affreux amas de vapeurs pestilentielles. Pour Paul Audy, Hamlet de Shakespeare, c'est, je cite, l'exemple type de l'adolescence et le tourment de l'adolescence par excellence. C'est la récrimination infinie, c'est comme on l'a entendu, la perte de gaieté et une humeur désolée. Alors comment lui parler, comment le penser cet adolescent? Eh bien c'est l'enjeu. Si la jeunesse n'est qu'errance, tourment, récrimination, crise et même pour certains, bêtise et ingratitude, comment la philosophie peut-elle se poser, poser cet âge pour le penser et le discuter? L'enjeu à lire Paul Audy est même double. Il est question de raisonner, de rationaliser cet âge, cette sortie de l'enfance, moins analysée que l'enfance elle-même d'ailleurs, mais aussi de voir ce qu'elle reflète, ou mieux, de voir paradoxalement ce qu'une telle sortie de soi contient. Et pour cela, les penseurs classiques comme Rousseau, Lyotard ou encore Lacan qui ont travaillé sur la question sont plus qu'éclairants. Mais permettent-ils vraiment de dialoguer avec ceux qui sortent de l'enfance? Jusqu'où permettent-ils de non seulement penser cet âge, mais de penser avec cet âge, de discuter avec ceux qu'on appelle des jeunes, sans jamais savoir au final ce que ça veut dire. Bonjour. À quoi sert un philosophe ? Ça attaque fort. Alors voilà, je dirais, tu vois, bon, philosophie, c'est en fait peut-être de cette façon ce que tout le monde fait, mais quelquefois de manière presque silencieuse. Qu'est-ce qui est plus important, c'est l'individu ou c'est la collectivité ? Bah, la collectivité. Enfin. Ah bon, toi tu dis ça ? Ah oui. Moi je dirais ça, mais après. Oui, mais ça engage déjà tout un travail philosophique. Parce que pourquoi tu dis ça ? Bah parce qu'on peut pas vivre seul. Enfin, oui, non, on peut pas. Voici un extrait d'un dialogue entre le philosophe Jean-Luc Nancy et Émile, 14 ans, dont le prénom évoque bien sûr le traité de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est bien l'autre perspective que l'on trouve aujourd'hui dans les parutions philosophiques. À côté des ouvrages classiques sur l'enfance, qui pensent l'enfance, la caractérisent, la modèlent et la façonnent, il y a toute une production qui pense avec celle-ci, s'adresse directement à cet âge. On peut par exemple citer la collection et maison d'édition des Petits Platons, la collection Chouette Pensée chez Gallimard, ou encore aux éditions de l'Aube, tous les grands entretien d'Émile, dont on vient d'entendre une version documentaire. Et dans toutes ces collections, l'accent est mis sur le dialogue, sur l'échange. Ce qui est mis en avant, ce n'est pas la théorie achevée, mais le processus qui y conduit. À l'image de l'adolescent en devenir, de la bêtise qui n'est qu'une forme d'interrogation, ou de la crise qui remet tout en question, ces textes révèlent la métamorphose de l'esprit plus qu'ils n'en imposent. Reste que la jeunesse, cet âge de vertige impossible à définir, et tant mieux d'ailleurs, n'est pas seulement la découverte de possibilités infinies, d'une métamorphose sans fin et d'un processus de réflexion ouvert, mais aussi le début de la fin, la révélation, comme le rappelle Paul Audy, que l'entrée dans l'âge adulte est aussi l'entrée dans les limites de l'homme. Et je rappelle que le livre de Paul Audy, Au sortir de l'enfance, est paru aux éditions Verdier. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Marie Aubert, Géraldine Mosnas-Lavois bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Dali Yaha qui était la prise de son. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi, où je recevrai Olivia Gazalet qui viendra vous parler de son dernier livre, Le mythe de la virilité, tout un programme. Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie où vous pourrez podcaster et réécouter les émissions autant que vous le souhaitez. Merci David et rendez-vous également sur Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Sur France Culture, à midi, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesbert. Mais à 11h, il est grand temps de retrouver Florian Delorme pour son émission Culture Monde.